وبعد البعث محاسبون ومجزيون. Et je le parle, le voit quelqu'un d'autre. وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. Et de désapprouver et d'être innocent, de se rendre innocent de tout polythéisme et du polythéisme. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمَ. Et c'est seulement lorsqu'il aura fait ça. N'est-elle pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer? Cela, leur refuge définitif sera l'enfer, Jehel, et leur sort est des plus mauvais. Sauf les faibles impuissants parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui sont incapables d'astuces et n'ont aucun guide pour les orienter dans la bonne voie. Ceux-ci puissent Dieu leur pardonner, car Allah pardonne toujours et absout les péchés. De même, la citation divine suivante dans le Coran: Ô mes adorateurs, les croyants, ma terre est vaste, n'adorez donc que moi seul. Le savant théologue Al-Barawi, que Dieu lui soit clément, a dit: la raison de la révélation de ce verset du Coran était pour inciter les musulmans qui ne quittèrent pas la Mecque à émigrer, et Dieu alors les appela au nom de la foi à émigrer. L'évidence concernant Al-Hijra, l'émigration, dans le hadith et dans la citation suivante de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'émigration comme étant le refuge des musulmans oppressés ne cessera jamais que lorsque cessera le repentir. Et le repentir ne cessera que lorsque le soleil se lèvera du côté de l'ouest, c'est-à-dire à la fin du monde. Quand la résidence du prophète se stabilisa à Médina, il ordonna aux croyants la pratique obligatoire du reste de la législation islamique, prescrite comme le paiement d'un zakat, le jeûne du mois de Ramadan, le hajj, le adhan, le jihad, la lutte pour la cause de Dieu et de l'islam, l'exhortation au bien et l'interdiction des actions mauvaises, illicites et blâmables, ainsi que d'autres lois islamiques. Cette période dura 10 ans à Al-Madina jusqu'à son décès, sallallahu alayhi wa sallam, et sa religion dure et durera toujours. Cette religion qui est l'islam, qui guide la communauté islamique vers tout ce qui est bon, et la met en garde contre tout ce qui est mauvais, le bon qu'elle prêche et l'unicité de Dieu, le monothéisme, ainsi que tout ce qui plaît à Allah et le satisfait, le mauvais duquel elle a mis en garde la masse islamique est l'idolâtrie et le polythéisme, ainsi que tout ce qui déplaît à Allah et qui l'interdit. Dieu charge à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la mission divine de propager et de prêcher l'islam à l'humanité entière, et imposa à toutes ses créatures, que ce soit les djinns ou les hommes, leur obéissance et complète soumission. L'évidence divine dans le Coran à ce sujet est: dit au être humain, je suis le messager d'Allah à vous tous. Puis par Mohammed, Dieu a complété sa religion à son ultime perfection. Voici l'évidence divine dans le Coran à ce sujet: aujourd'hui je vous ai complété votre religion, je vous ai couvert de ma grâce et de mes bienfaits, et j'ai consenti à considérer l'islam comme étant votre religion. L'évidence concernant la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans la citation divine suivant dans le Coran: en effet, tu dois mourir et ils doivent mourir. Ensuite, au jour du jugement dernier, vous divulguerez vos disputes en présence de votre Seigneur. Et tous les êtres humains, après leur décès, devront ressusciter. Voici l'évidence divine dans le Coran à ce sujet: d'elle, c'est-à-dire de la terre, nous vous avons créé, et dans son sein, nous vous y retournerons, et d'elle, nous vous ferons sortir une autre fois. De même, cette autre citation divine dans le Coran: et c'est Allah qui de la terre vous a créé comme les plantes, ensuite il vous y fera retourner et vous fera ressortir d'elle sûrement. Après la résurrection, ils rendront compte à Allah et seront alors récompensés ou punis selon leurs actes. Voici l'évidence divine dans le Coran à ce sujet: à Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il punira les malfaiteurs suivant leurs actes, récompensera les bienfaiteurs suivant leurs bienfaits. Ceux qui dénient la résurrection, c'est-à-dire ceux qui renient la résurrection, sont des mécréants. Voici l'évidence divine citée dans le Coran: les mécréants ont prétendu qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis-leur: oui, par l'ordre de mon Seigneur, vous ressusciterez sûrement, vous serez ensuite certainement informés de tous vos actes. Ceci est très facile et aisé pour Allah. De plus, Allah a envoyé tous les messagers et prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Non, ceci ne fait pas partie. Donc on reprend le début du texte qu'on verra aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, Al-Musannif, rahimahullah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, dit « Wa ba'd al-ashr » C'est-à-dire, 10 ans après la prophétie. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la prophétie à l'âge de 40 ans. Donc, quand il eut vers la cinquantaine, donc 10 ans après la prophétie, « Ulija bihi ila sama » Il y a eu « Al-Isra » ou « Al-Mi'raj » C'est le voyage nocturne. « Al-Isra » c'est le voyage qu'il y a eu de la Mecque vers « Al-Quds » « Bayt al-Maqdis » Ça, on appelle « Al-Isra » Al-Isra, c'est le voyage qui est fait la nuit. On appelle ça Al-Isra. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle Al-Isra. Wal-I'raj, Al-Mi'raj, c'est le Bayt al-Maqdis jusqu'au ciel. D'accord ? Ça, ça s'appelle Al-Mi'raj. Wal-Isra, c'est le voyage entre Mecca et Bayt al-Maqdis. Et ceci dans le Coran, quand Allah dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Il est le Masjid al-Haram, il est le Masjid al-Aqsa. Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée vers la mosquée lointaine. Al-Aqsa, Masjid al-Aqsa, c'est-à-dire la mosquée lointaine. Donc là, Cheikh Ben Baz, hafizahullah, il dit Thumma ba'd al-Ashr, c'est-à-dire, et puis après les dix années de prophétie, Urrija bihi sallallahu alayhi wa sallam ila sama. Donc, il fit le voyage vers le ciel qu'on appelle le Mi'raj. Là, qu'ils appellent en français l'ascension. Ma'a Jibra'il avec l'ange Gabriel. Au futihat lahu samawat. Mais les cieux se sont ouverts à lui. Il a mordi à rafi'a fauqa sama'i sabi'a. Vers un endroit élevé au-dessus du septième ciel. Hatta sami'a fihi sarif al-aqlan. Jusqu'à ce qu'il a entendu le bruit des plumes qui décrivent les destinées de toute personne, de toute créature. ثُمَّ نَادَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى Puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a interpellé. وَكَلَّمَهُ Et il lui a parlé. وَفَرَضَ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ Et il lui a ordonné les 5 prières. فَرَضَهَا خَمْسِينَ صَلَاتًا En premier lieu, c'était 50 prières. À faire par jour. Dans la journée et dans la nuit, il fallait faire 50 prières. ثم لم يزل يطلبه الترفيف. Puis il n'a pas arrêté de lui demander de lui abaisser حتى جعلها الله خمسا. Jusqu'à qu'Allah en a fait qu'il n'y ait que 5 prières. Vous connaissez l'histoire. Il descendait des cieux et arrivait au ciel où il était Mouïn, Moussa alayhi salam. Moussa lui dit qu'est-ce qu'Allah t'a ordonné ta communauté, il lui a dit 50. Il lui dit ta communauté ne pourra pas. Va vers ton Seigneur et demande-lui d'abaisser. Et il a continué, il a fait plusieurs voyages, jusqu'à ce qu'il arrive à 5. Et il lui a encore demandé de retourner vers son Seigneur pour en abaisser. Il a dit j'ai eu honte de mon Seigneur. J'en ai assez demandé. Non. Faqala Allah subhanahu. Et Allah, glorifié soit-il, dit Hiya khamsun fil adad. C'est 5 prières dans le nombre. وَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ Mais c'est 50 dans le livre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles sont comptées 50. Pourquoi ? Parce que الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا Chaque bonne œuvre, elle compte pour 10. فَمَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَدَّاهَا Celui qui est constant dans les 5 salats et les a pratiquées, كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ خَمْسِينَ Allah lui écrit la récompense de 50. C'est un très grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا Donc, la bonne œuvre, elle est comptée pour 10. فَنَزَلَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Donc le prophète sallam est descendu avec cet ordre-là de la salat. Et c'est le seul ordre qui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus du septième ciel, au prophète Abdelham directement. C'est pour montrer aussi son importance de la salat. C'est l'acte visible le plus important dans l'islam. Donc, فاستقرت الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة. Donc, et c'est resté comme ça, cinq prières dans la journée et la nuit. الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. D'accord, ce sont les cinq prières obligatoires. صلاها في مكة ثلاث سنين. Le prophète صلى الله عليه وسلم les a faites pendant trois ans à la Mecque. Cinq prières. D'accord. قبل أن يهاجر, avant que il émigre vers Médine. Donc on reprend. وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة. Et après cela, il lui a été ordonné d'émigrer. Et là, Cheikh Ben Baz, hafizahullah, dit: ثم هاجر إلى المدينة بعدما اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه. Puis, il a émigré vers Médine après que le mal de Quraysh fut intensifié envers lui et envers ses compagnons. فأذن الله له بالهجرة من مكة. Donc Allah lui a demandé de faire l'émigration de sortir de la Mecque. لأجل أذى وظلم قريش, à cause du mal et de l'oppression de la tribu de Quraysh. إلى المدينة. Vers où? Vers la ville de Médine, qui s'appelait auparavant Yathrib. Yathrib, il est cité aussi dans le Coran. C'était l'ancien nom de Al-Madina. Il n'est pas loin du terme Nasara. Nasara, c'est Al-Ladina Nasaru Isa. Parce que vous savez que Isa, alayhi salam, est envoyé vers qui? Tous les prophètes, chaque prophète, étaient envoyés vers qui? Vers son peuple. Le seul prophète qui est envoyé à toute l'humanité, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun prophète que son message était universel. Il n'y a seulement que le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon les prophètes d'avant, chaque prophète est envoyé à son peuple. Et comme le prophète le dit, خَمْسٌ رَاتَيْتُ خَمْسٌ لَمْ يَعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَ قَبْلِ وَمِنْهَا كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ فِي قَوْمِهِ وَبُعِثُ إِلَى الْعَالَمِ. Vous voyez ? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, parmi les spécificités qui lui étaient données, c'est qu'il est envoyé à toute l'humanité. Donc Isa, Banu Israël, les enfants d'Israël, se sont divisés en deux. Il y a ceux qui ont cru en son message et qui l'ont aidé et défendu, et ceux qui ont été contre son message. Et de là, on a eu Al-Nasara ou Al-Yahoud. Sinon, tous, ils sont à l'origine, sont tous de la même famille. Donc, vous avez fait le même terme. Ansar, Nasara, c'est la même racine, Nasara et Ansar. C'est pour ça qu'en arabe, on se trompe quand on dit Al-Masihiyyé. Il faut dire Al-Nasara. Parce que Al-Masih, il est valide au Yilha Oula. Al-Masih, il est innocent. Le Christ, il est innocent de ces gens-là. C'est ce qu'ils ont fait après lui. Quand on dit les chrétiens, c'est un attachement au Christ, à la personne. Donc vraiment. Et dans le Coran, dans la Sunna, le terme qui est employé à ces gens-là, c'est Al-Nasara. Il n'y a pas une termine, il n'est pas employé. Donc, alors, vers Al-Ansar, Waqad Bayahu, ils lui ont déjà fait le pacte d'allégeance. Bayahatul Aqaba. Pendant que le prophète était encore à la Mecque, parce que le prophète attendait toujours la période du Hajj, donc déjà faisait le Hajj. Donc, lui, il en profitait pendant la fin du Hajj pour venir et inviter les gens des autres contrées à entrer dans l'islam. Ils invitaient l'islam. Et il y avait toujours Abu Jahl ou Abu Lahab qui se mettaient devant lui et disaient: ne l'écoutez pas, nous-mêmes nous ne l'avons pas accepté. C'est un jeune de chez nous, il nous raconte n'importe quoi, il est fou, il est sorcier, et ainsi de suite. Pour contrer, mais lui, il continuait. Et là, les gens de Médine étaient venus et là, ils l'ont écouté et il y en a qui l'ont fait faire. Deux fois. Il y a eu deux Béa avant, et la deuxième, là ils l'ont invité à venir à Médine. Mais le prophète s'est attendu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a attendu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais entre temps il a envoyé des sahaba faire une hijra en Abyssinie. Car il leur a dit: là-bas se trouve un roi chez qui personne est opprimé. Il y a eu deux hijras vers l'Habasha. Donc avant celle de Médine. Et quand l'islam s'est installé complètement à Médine, les musulmans étaient maîtres à Médine, plus tard, les musulmans qui étaient à l'Habasha, qui étaient en Abyssinie, ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, وَقَدْ بَايَعُوهُ فِي مَوْسِمِ الْحَجِ. Il lui a eu fait le pacte d'allégeance à la période du pèlerinage, lors du pèlerinage, عَلَىٰ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَيْهِمْ, pour que, il lui avait demandé que lui, il aille vers eux, à Médine, وَيَنْصُرُوا, et qu'il le défende, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَرْضَاهُمْ, qu'Allah soit satisfait d'eux. فَلَمَّا تَمَّتِ الْبَيْعَةِ, lorsque le pacte a été fait, وَأَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالْهِجْرَةِ, et qu'Allah lui a permis de faire l'exil, hajara ilayhim, là il fit l'exil. Wa kana ba'du ashabihi qad hajara qabla dhalika ila al-Habasha wa makathu 'inda an-Najashi mudda. Et avant cette hijra, il y avait certains compagnons qui avaient immigré vers l'Abyssinie et ils sont restés une période chez le Négus. Le Négus, c'était le maître, le gouverneur de l'Abyssinie. C'était des titres qu'on donnait, comme en arabe, comme le Pharaon en Égypte, comme Kisra en Perse, comme Kaysar, Hadarouk, et ainsi de suite. C'est des titres du gouvernant qu'on donne. Et en Abyssinie, on appelait ça le Négus en français, en arabe, Al-Najashi. C'était un très bon croyant. Il suivait la religion de Isa alayhi salam. Et lorsqu'il a entendu le message de l'islam, il a vu qu'il était en toute conformité avec le message de l'Isa, et il a cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est rentré dans l'islam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris sa mort, parce qu'il était à Médine, il a fait salat à al-Ghani. Il a fait la prière sur le mort, en son absence. ثم هاجر بقيتهم الى المدينه. Puis le restant des croyants ont tous fait l'immigration vers Médine. فلما استقر بالمدينه, et lorsqu'il s'est installé complètement à Médine, جاء الذين في الحبشه, ceux qui étaient en Abyssinie l'ont rejoint, الى المدينه, واستقر الجميع في المدينه والحمد لله, et tous se sont installés à Médine et le pays a louange à Allah. والهجرة, on reprend le texte, والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة c'est quoi? C'est de sortir du pays du polythéisme vers le pays de l'islam. Et ça reste, hein, comme il le dit à la suite, ça c'est jusqu'à que la Tawba n'est plus acceptée par Allah, et ça c'est un des plus grands signes de la fin des temps, lorsque le soleil se lève de l'Occident. La Tawba, elle est toujours acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. Lorsque le soleil se lève de l'Occident, tout le monde croira. Tout le monde croira. Dès que le soleil se lève de l'Occident, tout le monde croira. Mais là, l'iman, il ne sert plus à rien. Seulement, il aurait fallu croire avant ce signe-là. Une fois que ce signe-là apparaît, ceux qui étaient croyants auparavant, c'est bon pour eux. Ceux qui n'étaient pas croyants, leur nouvelle croyance ne leur servira à rien. Allah nous raffermit. Allah dit dans le Coran, يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ, يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسٌ إِيمَانَهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِكَ. وَبَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ هُوَ تُنُوعِ الشَّكْرِ. Le jour où viendra un des signes de son Seigneur, hein, l'âme, la foi ne servira pas à l'âme qu'elle n'avait pas cru auparavant. Et là, je vous précise, la route, qui est explicative, la part de l'ayat érapique, ça rejoint le hadith, Hattat al-Rachat al-Mubarak. C'est une obligation des hijras. Cette communauté, une balade du shirk, et la balade de l'islam, du pays du polythéisme vers le pays de l'islam, et cela reste jusqu'à que l'heure sonne. Et le dit le Prophète, قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينة lorsqu'il prophète صلى الله عليه وسلم sont bien installés à Médine. L'Achabandad حفظه الله dit فلما استقر في المدينة lorsqu'il sont bien installés à Médine بعد الهجرة après l'exil أمره الله ببقية شرائع الإسلام. Allah lui a ordonné le restant hein, des lois et des règles islamiques. Min al-zakat, comme la zakat, wa siyam, et le jeûne, wa siyam ramadan, le jeûne de ramadan, wa hajj al-bayt, et le pèlerinage vers la maison, wa jihad, et la guerre sainte, wa l'amr bil ma'ruf, et d'ordonner le convenable, wa nahy ani munkar, et d'interdire le blâmable, li'anna al-madina, car Médine, Sarat Dara Islam, elle est devenue une demeure de l'islam, une maison de l'islam, une terre d'islam. Et c'est la première capitale des musulmans. Et c'est pour ça qu'il leur a été ordonné ces ordonnances. Car maintenant, ils ont la capacité de faire quoi ? Min al-amr bil ma'ruf, d'ordonner le convenable. والنهي عن المنكر إذا أنت أجير لبلامابل وهذا من رحمة الله عز وجل يسلسي في فاسي لا مدري كورد دالله لغي في فاسين أن أجل هذه الواجبات إلى repousser ses obligations إلى أن هاجر إلى المدينة لكي تنهي في الإنزيل غير المدينة. وكان أصل الزكاة مشروعا في مكة يعني الأوريجين de la zakat existait déjà à l'époque de la Mecque, comme Allah Ta'ala fait surat al-An'am, comme Allah a dit dans la surat les bestiaux, wa hiya makkiya, c'est une surat mekwaz, wa atu haqqahu yawma hasadih, et donner son dû, son droit, le jour de la récolte, de sa récolte. Donc, à l'origine, la zakat existait déjà à l'époque mekwaz. Walakin, ansabuha, wa masarifuha, wa tafassil, ahkamuha, kullu hadha sara. Mais l'ansab c'est le pluriel de nisab. Nisab c'est le plafond à partir duquel la personne elle devient obligatoire pour elle de donner la zakat. Donc un nisab, on m'a parlé quoi ? Et vers qui elle est ordonnée ? Vers les 8 sortes de personnes. Ça c'était dans le Coran, les pauvres et ainsi de suite. Wa tafasil ahkamiha, et le détail de ces règles, hein, tout ceci n'a été fait que amen. وهكذا صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة. وهكذا الحج شرع في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة. Et le prophète n'a fait qu'une fois le hajj, 4 fois l'umra, 1 fois le hajj. Wa anzal Allahu fihi, et Allah a révélé sur le hajj, wa lillahi ala an-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Et les gens doivent faire le pèlerinage vers la maison pour Allah, ceci pour celui qui en a les capacités. Fi surati Ali Imran. C'est une sourate dans la sourate la famille de Imran, Wahiya Madaniya, et c'est une sourate médinoise. Vous faites la différence entre Mekwa et Médinois? Une sourate ou un verset Mekwa une sourate ou un verset médinois. Dans une sourate, tu peux avoir des versets mécois et des versets médinois. Et tu peux avoir une sourate entièrement mécoise et une sourate entièrement médinoise. Mais quand on dit mécois et médinois, c'est pas le fait qu'elle soit révélée à Médine ou qu'elle soit révélée à la Mecque. C'est pas ça. Souvent, c'est ce qui vient en premier dans la tête. C'est que tout ce qui est révélé à la Mecque, c'est mécois. Tout ce qui est révélé à Médine, c'est médinois. Non. Il y a des. Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Le verset. Aujourd'hui, j'ai parlé pour votre religion. Il a été révélé où? C'est à Arafat. D'accord? Est-ce qu'il fait partie? Est-ce que c'est mécois ou c'est médinois? Vous voyez? C'est un exemple que je donne. Non, c'est pas, non, j'attends pas de réponse. C'est un exemple que je donne. On appelle un sourate ou un verset mécois lorsque ça a été révélé avant le Hijra. Et tout ce qu'il y a après le Hijra, c'est médinois. Vous avez compris? Voilà. C'est là la différence. Avant le Hijra, Ba'd al-Hijra. Ba'd al-Hijra, Medani. Avant le Hijra, Mekki. Vous avez compris? وهكذا الجهاد أمر به في المدينة لما يقول لك لا يجردني كمدي بقوة بس كلا مك يجد السيد يجد فان كاباسيتي هو على الفعل لكن يجد مدين يجد في الفندة لقمية لا يجد كباب يجد في الوقت في الفرقة محمد صلى الله عليه وسلم يجد فان الديزور شكاً يجد كم يجد دكور ما بسطة بيجد وكان في أول الأمر يجاهد من جاهده. Et au début, il faisait la guerre contre celui qui lui faisait la guerre. Donc il attendait que quelqu'un lui déclare la guerre pour sa faire. ويكف عن الكفر عنه. Et s'abstenait d'attaquer celui qui s'en abstenait. ثم أمر بأن يبدأهم بالقتال. Puis lui a été ordonné de commencer le combat. Donc il y a des phases. Plus la communauté a été forte, et la Ummah capable, et Allah, ça fait partie de la miséricorde d'Allah sur la communauté. Et la plupart des gens ne savent pas. Mais qui ne savent pas, aujourd'hui, vu la situation des musulmans, ils ne sont pas capables de fabriquer un pistolet, les gens qui disent qu'il faut y aller. Ils devient rahmatullah. Ils s'imposent ce qu'Allah ne leur a pas imposé. Alors ce qu'Allah leur a imposé, ils ne l'ont même pas compris. C'est pour ça que l'islam, il faut le comprendre sur sa globalité. Pas prendre un point et s'attacher sur ce point-là et en faire un tout. L'islam se prend entièrement. On ne croit pas en une partie du livre, mais on les croit en une autre partie. On croit en tout le livre. Tout ce qui s'y trouve. L'islam, ils vont apprendre complètement. Que ce soit des lois grandioses ou des lois, il n'y a rien de petit en islam. Si une loi Allah nous l'a ordonnée, même si la mesure est minime, sache que si Allah te l'a ordonnée, c'est qu'elle est grande. Et toi, tu ne le conçois pas. Donc c'est pour ça que tout ça a son importance en islam. Vous imaginez Omar ibn Khattab d'abord, après avoir été frappé par Abu Lu'lu' al-Majusi, Abu Lu'lu' al-Zoan Australien, qu'elle a été frappée à la face du Fajr, à la mort de Mouski du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle était sur le lit. Le moment, la mort approche, et il voit un homme entrer avec un vêtement qui traîne. Il dit, oh un tel, lève ton vêtement. Ça plaît plus à ton Seigneur, et ça garde plus ton vêtement propre. Après, dans le sens. Subhanallah, à ce moment-là, il y en a aujourd'hui qui diront, ouais, vous pensez à ça, alors que lui, la mort, elle approche, il est blessé. Il ne peut pas se retenir de dire à cet homme-là cet ordre-là. Car lui, il sait c'est quoi l'importance des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on ne comprend pas les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur degré. Eux, ils avaient très bien compris. Il n'y avait rien à délaisser dans l'islam. Il faut tout le prendre l'islam complètement. Et là, c'était le moment de conseiller cet homme-là de lever son vêtement. C'est l'islam. C'est un exemple parmi multitudes d'exemples. Ou alors nous on a compris, mais les Sahaba n'avaient pas compris les priorités. Non, on arrivera à dire ça. Subhanallah. Donc, وَأَنْ يُجَاهِدَ الْكُفَّارُ وَإِنْ لَمْ يَبْدَأُوا. et qu'ils combattent les mécréants même s'ils n'ont pas commencé. فَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ Il les invite à Allah. وَيُرْشِدُهُمْ إِلَيْهِ Et il les dirige vers lui. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et on continuera après, Inch'Allah. On en était commentaire de Charles Ben Bass, Hafidhahullah, il dit ثم أمر بأن يبدأهم بالقتال. Puis il lui est ordonné de leur commencer le combat. ويجاهد الكفار وإن لم يبدأوا. Et de combattre les mécréants même si ils n'ont pas commencé. ويدعوهم إلى الله. Il les appelle à Allah. ويرشدهم إليه. Et il les guide vers Allah subhanahu wa ta'ala. فإن أجابوا. Donc s'ils ont répondu à l'appel, ils ont accepté, tant mieux. وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ Sinon, il les combat. حَتَّى يَسْتَجِيبُوا لِلْحَقِّ Jusqu'à qu'ils répondent et acceptent la vérité. À la vérité. إِلَّا أَهْلَ الْكِتَابِ Sauf les gens du livre, les juifs et les chrétiens. فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةِ Car d'eux est accepté, au cas où on les invite à l'islam, ils ne veulent pas, on les accepte, mais qu'ils versent un impôt qu'on appelle al-jizya. وأما بقية الكفرة mais le restant des mécréants إما الإسلام soit l'islam وإما السيف مع القدرة ou alors c'est l'épée mais avec la capacité car si ils n'ont pas la capacité musulmans ils n'ont pas le faire. Sinon laissez encore pas les questions, on va continuer. Donc on va prendre le texte. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصلاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأذان fait partie des symboles de l'islam. Le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il allait à la conquête de contrées en Arabie, il attendait l'heure de Salat al-Fajr. S'il entendait l'Azan, il les délaissait. S'il n'entendait pas, il les combattait. Pourquoi Azan al-Fajr mais pas les autres Azan? Parce que les autres Azan, il y a la vie quotidienne des gens fait qu'il y a du bruit qui empêche quand on est loin d'entendre le Azan. Et ça on le vit quand on est dans les pays musulmans. Le Azan al-Fajr, rien ne bouge. Mais là le Azan tu l'entends. Pourquoi dans les pays musulmans, des fois les Azan tu les entends, tu as du mal à les entendre, surtout quand tu es prêt. Mais le Azan al-Fajr t'entends, c'est beau aussi. Tu entends très très bien le Azan là. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller. Ça se comprend très bien. Donc, wal-azan, wal-jihad, wal-amma'ruf, wal-amukar. On a vu ça dans le commentaire de Charles Ben-Bas, Hafidhahullah. Wa ghayri dhalika min shara'i l'islam, et bien d'autres lois et règles de l'islam. Akhadha 'ala hadha 'ashra sinin. Donc, en fait, les lois sont descendues pendant 10 ans qu'il est resté à Médine. Tufiya. Donc, et là, le prophète Hassan, il est mort, et sa religion, elle est restante, elle reste. Là, Charles Ben Bass, Hafidhahullah, il dit وَبَعْدَمَا أَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينِ Et après qu'Allah lui ait complété la religion, تُوَفَّاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ Allah l'a repris vers lui. بَعْدَ عَشْرِ سِنِينِ Après 10 ans, مِنَ الْهِجْرَ De l'exil. بعدما بلغ البلاغ المبين après qu'il ait transmis la transmission évidente. وأكمل الله به الدين et Allah a complété avec lui la religion. وتم به النعمة et il a parachevé ses bienfaits. كما قال الله تعالى كما الله le très haut a dit اليوم أكملت لكم دينكم aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. وأتممت عليكم نعمتي et j'ai parachevé sur vous mes bienfaits. Wa raditu lakum al-islam dina et je suis satisfait de l'islam comme étant et j'agrée l'islam comme étant votre religion, comme étant la religion. Wa qala jalla wa ala et le très glorifié a dit innaka mayitun wa innahum mayitun certes tu mourras et certes eux aussi ils mourront. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون puis ce sera vers votre Seigneur le jour de la résurrection que vous vous disputerez. Donc, وهذا دينه, et voilà sa religion. لا خير إلا دل الأمة عليه. Il n'y a pas un bien sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait pas montré. ولا شر إلا حذرها منه. Il n'y a pas un mal qui n'en ait pas averti sa communauté. والخير الذي دل عليه. Et le bien qu'il a montré à sa communauté, التوحيد, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وجميع ما يحبه الله ويرضاه. Et tout ce qu'Allah aime et agrée. والشر الذي حذرها منه. Et le mal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a averti la communauté. الشرك, c'est le polythéisme. وجميع ما يكرهه. Et tout ce qu'il déteste. Tout ce qu'il réprimande. وجميع ما يكره الله ويأباه. Et qu'Allah n'accepte pas. بعثه الله إلى الناس كافة. Allah l'a envoyé vers tous les gens, que ce soit les hommes ou les djinns. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن. الجن والإنس. Et Allah a ordonné à tout le monde. الثقلين, c'est les deux qui sont pesés. الثقل, c'est ce qui est lourd. Et on appelle ça, ce sont ceux que leurs œuvres sont pesées yom al-qiyama, ce sont les djinns et les êtres humains. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux djinns et aux hommes de lui obéir. C'est à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup n'obéissent pas à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est de ce monde. Beaucoup prétendent l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et présente l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils n'ont pas pris le chemin qui prouve ce qu'ils prétendent. Car Allah dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il Lui, vous devez le suivre avec les mains. Car lui, c'est le délit dans lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on a été faire? On a suivi les autres, on a suivi n'importe qui a levé sa tête, on a suivi. Le premier qui crie, on le suit. C'est ça qui est très grave. Et on a délaissé le chemin du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça qui a ramené tout ce rabaissement et toute cette faiblesse et tout ce mal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le chemin qu'avait pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est grave parce qu'on ne voit pas la gravité de la chose. Parce que là, même à notre degré, pour nous, tout ça, c'est minime. Même des fois, les ulama, des fois, quand ils passent sur les groupes et sur les autres, des fois, on se dit, mais ils sont durs, tout. Parce que eux, à leur degré de science, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Ils voient des erreurs qui sont commises, ils voient des péchés qui sont commis que nous on ne voit pas. Peut-être que plus tard on comprendra mieux, mais nous là notre degré on ne comprend pas. Et ça c'est très très grave. C'est très grave le mal. Quand tu énumères les effractions qui sont commises à l'encontre des ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est grave. Trop trop grave. Encore pire aujourd'hui à cette époque-là. Des gens qui se moquent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi se moquer? Ça ramène au kufr. Se moquer. قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَهْزِئُونَ فَتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Tu te moques? En te moquant de la barbe d'un tel, tu te moques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si tu te moques de la barbe, c'est à n'importe qui a la barbe, tu te moqueras de lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam portait la barbe. Tu te moques de ceux qui mettent à la moitié de ça, de la cheville, du tibia. Mais je dis pas genre parce que là ils vont pas que c'est là. Non, du mollet, hein, de ça. Comment tu dis ça? La moitié du ça, ils se moquent. Donc ça veut dire que tu vivras à l'époque du prophète, tu te moqueras du prophète, tu te moqueras des compagnons. je vois un frère qui disait, ces gens-là qui disent que non, on est dans un pays, on n'a pas le choix, il faut s'intégrer, après on ne peut pas s'accepter, à cause de vous, la da'wa, elle n'avance pas. Ben. Hein, voilà, d'accord. Bon, ça c'est leur chose qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils vivraient en Écosse, ils mettraient leur... Et tout de suite, peut-être là, qu'ils mettent les Écossais. Pourquoi? Ah oui, notre Nia, les boss, c'est pas un... Voilà. Voilà, c'est da'wa. Alors là, chéri vient, il ment. Le pire, c'est des menteurs. Le chéri vient. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ça, c'est encore une chose. Avant d'arriver le chir, devant la main, normalement, ils le prennent dans une pièce, ils parlent avec lui. Comme ça, ils sont tranquilles. Eux, bon, pourquoi vous êtes comme ça? Ben, je dis, on est obligé ici, on n'a pas le choix. On ne peut pas mettre leur camis, on ne peut pas, il y a des problèmes et tout. Le chir, il dit, ah bon? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On reste là-bas, on met le camis. Et toutes les écoles et toutes les mosquées, elles ferment. Ou alors, quand même, on cède un peu pour avoir quand même. Subhanallah, et sachez que c'est comme ça que ça se passe, ces gens-là. Et là, vous, les bêtises, ils jouent avec la religion d'Allah, subhanallah. Premièrement, c'est des gens qui n'ont même pas grandi ici. Donc, ils ne peuvent pas parler. Ah non, on peut parler. C'est vrai qu'on a. Nous, on n'est pas là. Nos parents, ceux qui sont venus là. Nous, on peut parler, on a grandi là, on sait comment ça se passe ici. On met le camis, c'est tout. D'accord? Eux, ils viennent d'où? Ils viennent de nos pays à nous. Ils viennent de nos pays pour nous dire quoi? Il n'y a pas de pays musulman, il n'y a pas de pays d'islam. Tout ça, c'est pourquoi? C'est légitimer les actions. Il n'y a pas de pays d'islam, on a le droit de rester là. D'accord? Tu veux qu'on va te là? Vers où? Il n'y a pas de pays d'islam. Ils t'ont déjà dit, voilà, ils t'ont mis une règle, il n'y a pas de pays d'islam. Tu vas où? Paris, de faut le pays d'islam. Voilà. Si tu dis qu'il y a un pays d'islam, il est contradictoire. Donc, ils font tout pour se légitimer. Voilà. La barre est obligatoire, quand tu le regardes, tu ne regardes pas avec un mauvais œil. Parce qu'il sait que Dieu est en train de regarder, il dit attends, il n'y a pas la barbe. Avant, je te dis, la barbe n'est pas obligatoire. Donc là, il est tranquille. Ah, mais ça, non, c'est pas sunna. On s'habille avec l'époque. Voilà. Tout ça, c'est des règles qu'ils émettent pour leur hawa. Parce que, avant de regarder les textes, ils ont eu des règles. Ils se sont imités. Les premières sectes, les sectes, comme les Alamaïdites disent, ils s'égarent comme moi. Elles émettent des règles, et des idées, et des opinions. Et après, ils vont chercher dans les textes religieux, Coran, la Sunna, tout ce qui est en concordance. Quand tu fais ça, j'ai un délit, voilà. Mais à l'origine, est-ce que tu as pris le délit, après tu l'as mis en pratique, ou alors tu as mis en pratique quelque chose, et après tu as cherché un délit? C'est deux chemins différents. Le musulman, non. Le musulman, il ne fait rien dans ce shara. Tant qu'il n'y a pas un texte qui vient. Il y a un texte, tout seul il n'y a pas un texte qui t'appartient. Eux, non. Et c'est ça qui est très grave. Très, très, très grave. Donc c'est pour ça que les gens, et ça, c'est vrai, franchement, même avant, il y en avait des gens qui ont fait des erreurs, ils ont fait des bidards, les ulama. Et là, ils pourraient dire, mais pourquoi les ulama, ils prennent deux? C'est parce que ces ulama-là, en regardant leurs ouvrages, en regardant ce qu'ils ont délaissé, même s'ils ont. Allah subhanahu wa ta'ala, la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces gens-là, ça se voit qu'Allah yan surun la sunna. Ils défendaient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça se voit qu'ils avaient un amour de la sunna et de l'islam. Sauf qu'ils ont commis des erreurs. Mais c'est des erreurs qui se noient dans l'océan de leur hasanat. Alors que ceux d'aujourd'hui, al-haq bayn, mais ils ne le veulent pas. Ils le combattent même. Ils le combattent. Et ils ont déclaré la guerre. C'est pour ça que faut faire attention à tout cela. Il te ramène un tel Asie. Un tel Asie n'a jamais été un délit. Il n'a jamais été un délit. Vous voyez des fois des choses. As-Sawi. As-Sawi, il a fait un petit commentaire de Jalalain. On appelle Hachiat As-Sawi à la Jalalain. Il y en a qui disent. C'est un égaré. As-Sawi, c'est un ancien. Il dit Al-Akhdo Bizahiri. Al-Nusus Kufr. Mais on sort les Kufr. Le fait de prendre le Coran national comme ça. Ça fait partie des fondements de Kufr. Il dit quiconque ne suit pas un des quatre mazhab, il aura un égarement évident. Et il est proche du Kufr. Voilà, tu n'as plus le droit de te tourner. Tu suis un des quatre mazhab et tu te tais. Tu auras plus le Coran, tu auras plus le Sunna. Ça y est, c'est réglé. Ils ont sorti les règles, on n'a plus besoin de regarder dedans. C'est bien. Vous imaginez? Et il y en a qui se servent de ça. Et ça, c'est un exemple parmi une multitude d'exemples. Ça veut dire quoi? Que ces gens-là, d'aujourd'hui, là, les groupes, beaucoup, surtout les têtes, al-haqq tabayyana lahum. savez qu'on arrive à un haut degré dans une place. Vous savez, c'est comme, subhanallah, Qaysar, vous connaissez l'histoire de Qaysar? Lorsque Abu Sufyan, radiallahu anhu, à l'époque, il n'était pas encore, il était encore mouchriq. Quand Qaysar, c'était le gouvernant de Byzance, du Chien, du Proche-Orient, il a entendu parler de qu'un homme se dit prophète à un mec, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé qu'on aille chercher dans le marché, comme il savait que les commerçants arabes y venaient, les arabes qui viennent de la Mecque, de les emmener à sa cour. Et c'est après ça, les ont fâché pour Khalid. Ils l'ont ramené. Il les a regardés, il leur a dit, quel est le plus proche de Mohammed, de celui qui se dit prophète? Abou Sufyan, il a dit, c'est moi, le plus proche. Il lui a posé des questions. Je ne sais pas quoi. Il ment pour garder sa place. L'intelligent dit non, j'ai rencontré un tel, il a bien reconnu que ça, c'est ça. C'est vrai? Dans tout le monde? Non, non, non. C'est bien en train d'organiser. C'est possible. Et voilà. C'est-à-dire quoi? Subhanallah. C'est pour ça qu'il faut. Quoi qu'il disait, tant qu'on peut s'éloigner de ces gens-là, alhamdulillah, si vous trouvez des frères qui sont l'alminhaj, ne t'inquiète pas qu'à l'alminhaj. Vous n'avez pas besoin des autres. Alhamdulillah. On a amassé tous les livres qui sont à l'ennemi le hajj. Qu'on essaie de les lire, on n'arrivera pas à les terminer. Pourquoi les lire les autres livres? Pas le temps. Non, pourquoi? On n'a pas le temps d'aller les lire les autres livres. On n'a pas le temps. Qui est-ce qu'on a lu le Bukhari entièrement? Qui est-ce qu'un musulman l'a lu? Personne. C'est-à-dire, on n'a pas le temps. Et chacun, toujours, il s'excuse dans les autres. Oui, mais vraiment, c'est quelque chose à apprendre. Il n'y a rien à apprendre. C'est que j'apprends, il apprend dans la sunnah du prophète en salam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Dans le message d'Allah, vous avez un bon exemple, on n'a pas besoin de vous exemple. Beaucoup étaient, chacun était de les tromper. Oui, mais tu peux prendre de là. Oui, mais il fait ça. Chacun moral vient, il y a un moment, tu vas dire quoi? Oui, mais il y a Abdul Zalim wa alayhi. Yakulu, ya laytani takhastu ma'a rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhid fulan al-khalila. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان عدولا. Le jour où l'homme injuste se mord dans les doigts dira malheur à moi, pourquoi n'ai-je pas pris un chemin avec le messager? Oh malheur à moi, pourquoi ai-je pris un tel comme ami? Certes il m'a égaré après que le rappel me soit venu. Subhanallah. Donc là on va attendre encore, attendre la mort pour réagir. C'est fini. Il va la mort à bien, on dira quoi? Et on va dire remets-moi sur terre pour que je fasse le bonheur. Tu étais sur terre, tu ne l'as pas fait. Allah nous dit dans le Coran. Ça, il faut. Ça, dans l'islam, Al-Aqifa, Al-Hamas et tout ça, ça n'a jamais été une religion. La religion, c'est l'ilm. Bil-ilm. Tout c'est bil-ilm. Mais Al-Aqifa, le kafar aussi dans l'Aqifa. Le kafar aussi dans l'Hamas. Tout le monde a le kafar. Ça, c'est Shay'un, Fatar Allah, on l'a fait. On a l'Hamas. Et on a l'Atifa. C'est normal, ton frère il se fait châtier, il se fait torturer, c'est normal, tu sois touché. Ça c'est logique, hein? Ton frère en religion, c'est tout normal. Mais est-ce que ça, cette réaction-là, elle te permet de faire quelque chose? Non. Le prophète sallam, quand il voyait les Mécois en train de châtier les musulmans, vous croyez qu'il était satisfait, il était content de ce qui se passait? Quand il y a tel amalou, il ne sait que ce qui lui a été révélé. C'est ça le problème, c'est que les gens ne veulent pas comprendre. Les gens ne veulent pas comprendre. Allah le Musta'an. Donc, wa sharru alladhi hadharaha minh, et le mal duquel il les a avertis, ash-shirk, le polythéisme. Wa jami' ma yakrahuhu Allah, et tout ce qu'Allah déteste, wa ya'bah, et qu'il ne veut pas. بعثه الله إلى الناس كافة الله الله وإذا كل مون وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس الجن والإنس إلى أيتها النور إلى أيتها الأوبليغاسيون de lui obéir au prophète صلى الله عليه وسلم والدليل قوله تعالى الدليل l'argument c'est la parole du Très-Haut قل يا أيها الناس dit oh vous les gens إني رسول الله إليكم جميعا je suis le message d'Allah envers vous tous وكمل الله به الدين الله avec le prophète صلى الله عليه وسلم a terminé, a complété la religion. Et l'argument, la parole du Très-Haut, on l'a traduit tout à l'heure. والدليل على موته et l'argument sur la mort du prophète صلى الله عليه وسلم. Parce que pour les soufis, il n'est pas mort. C'est pour ça qu'ils disent le hadra. Le hadra, c'est quoi? Ça vient de hadra, la présence du prophète صلى الله عليه وسلم. Alors, ils mettent un drap blanc, ils mettent les lumières, ils disent qu'il y a la présence du prophète صلى الله عليه وسلم. Et l'imam lui dit, le prophète, il est venu me voir. Pendant le sommeil, il était réveillé. Comme c'est jamais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est venu me voir, il m'a dit, tu délaisses tous les askars qui sont dans les hadiths et tout, et voilà un wird. Ce wird-là, il est meilleur que 6 000 fois la lecture du Coran. A'udhu billah. Kalam al-bashar. Akhair min kalam illah. Il m'a dit, laisse toute cette législation, voilà la nouvelle législation que je te donne. Et il dit, celui qui rentre dans ma tariqa, c'est comme celui qui rentre dans l'islam. Et celui qui en sort, c'est comme celui qui a renié l'islam. Alors, c'est pour ça qu'il n'était jamais dans du mal à sortir. Je crois qu'il y a un peu d'anité. Il croit que ça y est, les sorties d'islam, c'est un renégat. Voilà. Il croit que c'est une apostasie. Tellement ils ancrent des règles dans la tête des gens qu'ils peuvent plus en sortir. Comme les tabliris. Maintenant, il y a une niya, tout le monde l'a nama. Tellement qu'ils ont peur, les gens. Oh, j'ai pas de niya sur un khourouj. Même s'il n'a pas un khourouj, mais au moins ils ont la niya. Alors, aqal niya. Ils ont peur. Voyez la mosquée, tout le monde l'a nama. Une niya. Tellement qu'on leur ancre n'importe quoi. Des règles qui. Ma'azalallah biha min sultan. Et tout ça, c'est quoi ce problème? C'est le djihad. Naam. Qawluhu ta'ala, la parole du Très-Haut, innaka mayitun, wa innahum mayitun. Certes, tu mourras, et certes, ils mourront. Thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Puis, auprès de votre Seigneur, le jour du jugement dernier, vous vous disputerez. Wa an-nasu idha matu. Et les gens, lorsqu'ils meurent, ils seront ressuscités. Et l'argument, c'est la parole d'Allah. Minha khalaqnakum, wa minha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Donc, de la terre, nous avons créé. Puis, nous vous ferons retourner vers elle. Puis, nous vous ferons sortir une autre fois d'elle. Minha khalaqnakum, wa minha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Non, minha. Mais c'est même pas possible que ce soit fija. Minha. Deux. Ah, non. Minha khalaqnakum. Fija. Qui a le Coran? D'elle, nous vous avons créé, vers elle, nous vous ferons retourner, et d'elle, nous vous ferons ressortir une autre fois. Donc, on vous dit à la parole du Très-Haut, Wallahu ambatakum min al-ardi nabata, thumma yu'idukum fiha, wa yukhrijukum ikhraja. Et Allah vous a fait pousser de la terre, puis il vous fera retourner, puis il vous fera sortir. Wa ba'd al-ba'd, et après la résurrection, muhasaboun wa majziyoun, donc il y en aura qui seront récompensés et d'autres qui seront châtiés. Wa dalil qawluhu ta'ala, et l'argument c'est la parole d'Allah, wa lillahi ma fi samawat wa ma fi al-ard yajziya alladhina sa'u bima 'amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna. ومن كذب بالبعث et celui qui dément, qui nie la résurrection, kafar, il devient mécréant. Wa dalilu qawluhu ta'ala, il argumente la parole d'Allah. Il argumente la parole d'Allah. Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu, qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yaseer. Qala Sheikh Ibn Baz hamdulillah, wa an-nasu idha matu yub'athun, les gens lorsqu'ils meurent ils sont ressuscités. Comme a dit تعالى, والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربنا تبعثن ثم تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهم محاسبون ومجزيون يوم القيامة. Donc ils seront récompensés et châtiés le jugement dernier. وَيُعْطَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَشَمَائِلِهِمْ. Donc, et leur livre leur sera donné par leur droite et leur gauche. فَالسَّعِيدْ يُعْطَ كِتَابُهُ بِيَمِنِهِ. Donc, l'heureux, celui, il aura son livre par sa droite. وَالشَّقِيْ يُعْطَ كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ. Et... le malheureux, son livre sera donné par la gauche. السعيد يرشح ميزانه والكافر يخف ميزانه. L'heureux, sa balance, elle sera alourdie. Ou par le pardon d'Allah. Ou bil hasanat, ou par les bonnes œuvres. Ou quand يخف ميزانه, il se peut que leur balance elle soit allégée, et elle soit parmi les gens du feu. فَيُعَذَّبُونَ فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهِ, et ils seront châtiés dedans le temps qu'Allah a décidé. ثُمَّ يُخْرِجُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ, puis Allah les fera sortir du feu et سَبَبِي مَوْتِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ, parce qu'ils sont morts sur l'Islam. فَيُوَاجِبْ, car le musulman, le mu'min, c'est l'aqid et le sunnah, il n'est pas éternel dans l'enfer. C'est lui qui doit aller en enfer, c'est pour un certain séjour. Combien durera son séjour? Allahu a'lam. Mais il n'est pas éternel. فَالْوَاجِبْ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفْ, donc c'est une obligation pour chaque personne en âge de responsabilité. مُكَلَّفْ, c'est celui qui est en âge de liberté. أَنْ يَحْذَرَ السَّيِّئَاتِ الْعَمَلِ, qu'il fasse attention au péché de l'acte. وَنْ يَلْزَمَ التَّوْبَ وَالْاِسْتِقَامَةِ, et qu'il s'attache à au repentir et à la droiture. لِأَنَّهُ لَا يَدْرِ مَتَى يَرْجُمَ عَلَيْهِ الْأَجَلِ, car on ne sait pas quand est-ce que la mort elle va venir. فَالْحَزْمُ كُلُّ الْحَزْمِ, donc أَنْ يَأْخُذَ الْمُسْلِمِ بِالْعَزِيمَةِ, donc le musulman doit prendre la chose en considération. وَيُجَاهِدْ نَفْسَهُ, et qu'il combat son nefs. حتى يستقيم على الحق, jusqu'à qu'il soit droit sur la vérité. والتوبة النصوح, et la bonne et le bon repentir. من جميع الذنوب, de tous les péchés. حتى إذا هجم عليه الأجل, jusqu'à que si la mort lui vient, إذا هو على خير خير عمل, qu'il soit sur la meilleure des actions, وعلى استقامة, et sur une droiture. فيفوز بالسعادة, et qu'il gagne et qu'il soit heureux. والنجات يوم القيامة, et qu'il soit sauvé le jour du mois dernier. وسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Excusez-moi.